medita ga uibiki ga na avantage monene mokonzi ebona kombo uti Badolfo tila moina. C'est lui veillant, unité qui va bien vivre. Résultat avec quoi sur la main, puisque plus rien va se traîner. Laissez-nous partir, qu'est-ce que si on évalue degré à souffrance authentique et la noyée. Pas assuré que la cococa prédit la guerre. Président Dukai. Mère et fils. Balekim à la colle et tapique. Ougous et Pondou. Balekim à la joie de dame. Prédit Manova. Sagrénia Kampé Bami Sonda. Jean-Louis Mbanga. Didier Moïbex. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pour la campagne, voyamaï. France Mangay Bani, Joséphine Chitoupa. Bosso Baranda, la pesta qui grandit. Et pas la combat pour pesta, la quoi qu'on la voit. Impossible. Naïna Kélénani. Honorable Bokindi Honoré, Dilema Kélémoni, Yakarina, Maître François Mpoué. Nanani, nanani, nanani, nanani, nanani. Bruno Lupica. Nazako Kamwe. Piero Lode. Mais la zone en anglais qui malédiction. Ça qui me fait oublier les vies dans les côtes s'effondre. Piero Wadea. Mignango installé, oh yeah. Tout d'un coup, comme il y a amnésique. Mémoire noyée comme il formaté. Je suis cabassé. Pédélo quoi industriel. Ce que j'ai craint. C'est ce qui m'arrive. Nous en étions pas mal. Yamo, yamo, yamo, yamo. Nickel, Ayaka. Calvaire et Nangaye, Pandi. Et nos groupes sont le fragment. Bonzo banan, kouina pesa ki kanti. Et pa ya koba pa pesa, nga pesa kolala. Impossible. Mama Elise, Mama Chichi, Vincent Gomez. Lago salani, yeye. Yeah. Oye zara ki automatique. Yeah, mouya o. Mouya e gani mécanique, yeah. Yeah. Yeah. La koti sa vitesse, yeye, yeah. Ok. Yeah. Tenemos que morir. Thank you.